Chapitre 22. Si Léon n'avait pas été en retard, il se serait assurément abandonné en sortant de la chambre de sa mère aux douces émotions qui emplissaient son cœur. Mais malgré lui, la pensée d'Hortense s'imposa impérieusement à son esprit. Dans quel état allait-il la trouver? C'était la première fois qu'il la faisait attendre. Qu'avait-elle pu croire? Qu'allait-elle dire? Ce fut 4 à 4 qu'il monta les marches de son escalier. Comme il allait, courbé en avant, la tête basse, il fut tout surpris, un peu avant d'arriver à son palier, de se trouver brusquement arrêté. En même temps, 2 bras se jetèrent autour de son cou. « Enfin, te voilà !» C'était Hortense, haletante, éperdue. Ils achevèrent de gravir l'escalier dans les bras l'un de l'autre, et ce fut seulement à la porte du salon close qu'Hortense, après l'avoir passionnément embrassé à plusieurs reprises, put trouver les paroles pour l'interroger. « Où as-tu été? Qu'as-tu fait? Que t'est-il arrivé? Qui t'a retardé? Comment n'as-tu pas pu me prévenir? Ah, si tu savais quelles ont été mes angoisses! Je t'ai cru mort, j'ai cru que tu m'abandonnais. Parle donc, tu es là et tu ne dis rien. Si tu ne m'aimes plus, avoue-le franchement, loyalement. Mais non, je suis folle. Tu m'aimes, je le vois, je le sais. » Elle voulait qu'il parlât, elle ne lui laissait pas le temps d'ouvrir les lèvres. Enfin, sans desserrer les bras, elle se tut. Et ce ne fut plus que par les yeux qu'elle l'interrogea, le pressant, le suppliant. Mais au moment où il allait parler, Louise ouvrit la porte pour dire que le dîner était servi. « Ah, c'est vrai !» s'écria Cara. « J'oubliais, tu dois être mort de faim. Viens dîner. À table, tu me raconteras tout. »« Mais j'ai dîné. »« Ah, tu as dîné. Et moi, pendant que tu dînais tranquillement, joyeusement, je souffrais le martyr. « Et avec qui as-tu dîné ?»« Avec ma mère. » Cara était ordinairement maîtresse de ses impressions. Elle ne put pas cependant retenir un mouvement de stupéfaction. « Ta mère ?» Alors il voulut commencer son récit. Mais après l'avoir si vivement pressé de parler, elle ne le laissa pas prendre la parole. « Je n'ai pas dîné, » dit-elle, « car j'étais trop tourmentée pour manger. » Mais maintenant que je vois que j'ai été, comme toujours, beaucoup trop naïve, je vais me mettre à table, si tu veux bien le permettre. Tu me conteras ton affaire ce soir. Rien ne presse, n'est-ce pas ? Elle se mit à table, mais après le potage, il lui fut impossible de manger. « Non, dit-elle, cela m'étouffe. Je sens qu'il se passe quelque chose de grave. Allons dans notre chambre et dis-moi tout, absolument tout. » Elle avait eu le temps de réfléchir et de prendre une contenance. Elle écouta donc Léon sans l'interrompre. Il lui dit comment, au moment où il rentrait, Jacques, le valet de chambre de ses parents, lui avait remis une lettre de sa mère. Comment, en apprenant que sa mère était malade, il avait couru rue de Rivoli, sans penser à rien autre chose qu'à cette nouvelle inquiétante. Comment il avait trouvé sa mère alitée, souffrant de douleurs rhumatismales fort pénibles. Comment celle-ci, au moment de dîner, lui avait demandé de partager son dîner de malade. Comment il n'avait pu refuser. Enfin, comment, malgré le désir qu'il en avait, il n'avait pu trouver personne pour apporter, rue Aubert, un mot expliquant son retard. Elle l'avait écouté, les yeux dans les yeux, debout devant lui. Lorsqu'il se tut, elle s'avança de 2 pas, et lui prenant la tête entre les mains, en se penchant doucement, de manière à l'effleurer de son souffle. « Comme c'est bien toi, » dit-elle d'une voix caressante, « comme c'est bien ta bonté, ta générosité, ta tendresse. Ta mère, s'associant à ton père, t'a mis en dehors de la famille. Tu apprends qu'elle est malade. Tu oublies l'injure, la blessure qu'elle t'a faite. Tu n'as plus qu'une pensée, l'embrasser, et tu cours à elle les bras ouverts. Oh, mon cher Léon, comme je t'aime et que je suis fière de toi. Oh, le brave garçon, le bon cœur. » Et lui passant un bras autour du cou, elle s'assit sur ses genoux. Puis, avec effusion passionnée, elle l'embrassa encore. « Et pourtant, reprit-elle, je t'en veux de n'avoir pas pensé à moi. Je te jure, Tu me jures que quand ta mère t'a gardé à dîner, tu as été peiné de ne pouvoir me prévenir. Je le crois. Mais ce n'est pas cela que je veux dire. Je t'en veux de n'avoir pas eu l'idée de monter ici quand ton vieux Jacques t'a remis la lettre de ta mère. Car cela ne t'aurait pris que quelques minutes à peine et tu ne m'aurais pas laissé dans l'angoisse. Mais ce n'est pas la question du temps qui t'a retenu. C'en est une autre. Tu as eu peur que je te garde. Je t'assure que non. Sois franc. Eh bien, tu as eu tort de penser que je pouvais t'empêcher d'aller voir ta mère malade. Car la vérité est qu'il y a longtemps que je t'aurais envoyé près d'elle, même alors qu'elle était en bonne santé, si je l'avais osé. Est-ce que je n'ai pas tout intérêt, grand enfant, à ce que tu sois bien avec ta famille ? Au début, oui, j'aurais pu craindre que ta famille te séparât de moi. Mais maintenant, il faudrait que je fusse une femme sans cœur, et même sans intelligence, pour avoir cette crainte. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que je ne sens pas que tu m'aimes comme je t'aime et que rien ne nous séparera ? Cette crainte écartée, combien d'avantages j'aurais à une réconciliation ? Je ne parle pas d'avantages matériels, ceux-là sont de peu d'importance pour moi. Mais si jamais ma suprême espérance se réalise, si jamais tu me prends publiquement, légitimement, pour ta vraie femme, ce ne sera qu'avec l'assentiment de ta famille, et non malgré elle. C'est donc d'elle que j'ai besoin, c'est son appui qu'il me faut. Ne sens-tu pas combien j'aurais été heureuse que ta mère pût apprendre que c'était moi qui t'envoyais près d'elle ? Elle m'aurait su gré de ce commencement de réconciliation. Elle aurait compris que je n'étais pas la femme qu'elle s'imagine, d'après de faux rapports. Tu vois donc que, loin de te retenir, j'aurais été la première à te dire d'aller l'embrasser. Quand Jacques m'a dit que ma mère était malade, je n'ai pensé qu'à cette maladie, et je suis partie sans autre réflexion. Mais quand elle m'a demandé de dîner avec elle, la pensée m'est venue alors que si tu pouvais me parler, tu me dirais « reste ». Oh, pour cela, il faut que je t'embrasse. Ce n'était pas la première fois que Cara parlait de son mariage. C'était peut-être la centième. Mais toujours, elle avait eu grand soin de le faire d'une façon incidente, en passant. Tout d'abord comme d'une idée folle, puis comme d'un rêve irréalisable. Puis, peu à peu, en précisant, mais de telle sorte cependant que Léon ne put pas lui répondre d'une façon catégorique. Cette réponse eût dû être un oui, elle l'eût bravement provoqué. Mais comme à l'embarras de Léon, lorsqu'elle abordait ce sujet, il était évident que ce oui n'était pas prêt à venir, elle n'avait jamais voulu brusquer un dénouement qui ne s'annonçait pas comme devant s'accorder avec ses désirs. Il fallait attendre, patienter, cheminer lentement sous terre, tendre les fils de la toile qui devait le lui livrer sans défense. Et encore n'était-il pas du tout certain que cette heure sonnât jamais. Elle n'insista donc pas plus dans cette occasion sur cette idée de mariage qu'elle ne l'avait fait jusqu'à présent. Et comme si elle n'en avait parlé que par hasard, elle passa à un autre sujet. Que lui avait dit sa mère dans cette longue entrevue ? Tout leur temps n'avait pas été employé à manger ? Une réconciliation était-elle probable ? Était-elle prochaine ? Il hésita assez longtemps, mais elle le connaissait trop bien pour ne pas savoir lui arracher gracieusement et sans le faire crier ce qu'il voulait cacher. « Cette réconciliation à laquelle tu pousses toi-même, dit-il enfin, serait possible si je voulais, si je pouvais accepter l'arrangement qu'on me propose. Quel qu'il soit, il faut le subir. Même s'il doit nous séparer ? Oh mon Dieu ! Oh, pour deux, moi seulement. » Alors il raconta la proposition de sa mère, très franchement, et telle qu'elle lui avait été faite. « Et qu'as-tu répondu ? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je n'ai pas répondu. »« Que répondras-tu ? » ?»« Je ne répondrai pas pour ne point peiner ma mère. Elle ne tardera pas à comprendre que je ne peux pas me séparer de toi. Je ne dis pas pour 3 mois, mais pour 1 mois, mais pour 8 jours. »« Pas pour 1 heure. » Ce récit donna à réfléchir à Cara, et pour elle, la nuit entière se passa dans ses réflexions. Il était évident que la famille de Léon, qui pendant assez longtemps avait laissé aller les choses, comptant sans doute sur la lassitude, la satiété ou toute autre cause de rupture, voulait maintenant se défendre vigoureusement. De là cette feinte maladie de la mère qui était inventée pour attendrir le fils. De là cette proposition de payer les billets Rouspineau et Brasier, à condition que Léon quitterait Paris pendant 2 mois. Pendant cette absence, on agirait sur lui. On le circonviendrait, on l'entraînerait. Si Brasier ou Spineau avaient été si menaçants ces derniers temps, n'était-ce pas précisément pour rendre le séjour de Paris insupportable à Léon? Déjà Cara avait eu des soupçons à ce sujet, et il lui avait semblé que les réclamations de ses deux créanciers, que leur poursuite et leur criaillerie, devaient avoir une autre cause que le désir d'être payé par Léon. La proposition de Madame Aupois d'Aguillon, arrivant juste après la période la plus violente de réclamations, persuada Cara que ses soupçons étaient fondés. Réclamations insolentes des créanciers, maladies et propositions amicales de la mère, tout cela s'enchaînait et tendait à un même but, éloigner Léon et ensuite ne le laisser revenir que quand il serait guéri de son amour. Bien que cela parût logique à Cara, elle ne voulut pas s'en tenir à des présomptions si bien fondées qu'elles puissent être. Il lui fallait une certitude, une preuve, et pour cela, elle n'avait qu'à interroger Rouspineau et Brasier. Sur Brasier, elle n'avait pas de moyens d'action, et d'ailleurs le patriarche anglais était assez retors pour ne dire que ce qu'il voulait bien dire. Mais avec Rouspineau, il pouvait en être tout autrement. Si Rouspineau avait en affaire les finasseries d'un paysan, elle aussi était paysanne d'origine, et la vie de Paris avait singulièrement aiguisé chez elle la finesse qu'elle avait reçue de la nature. Et puis d'ailleurs, elle avait sur Rouspineau, qu'elle connaissait depuis 15 ans, des moyens d'intimidation qui le feraient parler, quand même il voudrait se taire. Ce serait donc à lui qu'elle s'adresserait, et ce serait lui qui dirait le rôle que Madame Aupois avait joué dans les tracasseries qui, en ces derniers temps, avaient rendu Léon si malheureux. Que dirait Léon lorsqu'il verrait sa mère malade, sa bonne mère, poussant en avant les gens qui l'avaient harcelé et exaspéré? Chapitre 23. Le lendemain matin, tandis qu'il dormait encore, elle se rendit chez le marchand de fourrage de la rue de Suresnes. Rouspineau était occupé à rentrer une voiture de paille, et quand il aperçut sa cliente, il voulut bien passer sa fourche à l'un de ses garçons pour se rendre dans son bureau où Cara l'attendait, le visage sévère et dans l'attitude d'une personne indignée. « Rouspineau, » dit-elle en coupant court aux politesses dont il l'accablait avec l'obséquiosité et la platitude d'un homme qui n'a pas la conscience sûre. « Il y a 15 ans que nous nous connaissons, et je puis dire, n'est-ce pas, que je vous ai fait gagner une bonne partie de ce que vous possédez. » « Ça c'est vrai, c'est bien vrai, et je ne l'oublierai jamais. » « Vous ne l'oubliez pas, mais dans la pratique de la vie, cela ne vous engage à rien envers moi. » « Si l'on peut dire, pour vous je sauterai dans le feu, je... » « Écoutez-moi, quand je suis venu vous demander de ne pas harceler M. Léon Aupois de vos réclamations d'argent, vous m'avez dit que vous étiez gêné, que vous étiez menacé de la faillite. Enfin, vous avez si bien joué votre jeu que je vous ai presque cru. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez tourmenté M. Léon Aupois que parce que vous aviez intérêt à le faire. Si l'on peut dire. Nous savons tout. N'essayez donc pas de me tromper encore, ou cela vous coûtera cher. » Le moyen employé par Cara était celui qui réussit si souvent dans les querelles d'amants et de maîtresses. Je sais tout. C'est-à-dire l'affirmation de la probabilité. Avec Rouspineau, il devait être infaillible, si le fameux « tout était bien dit » avec l'assurance de la certitude. Il produisit l'effet attendu. Rouspineau se troubla. Dès lors, bien certaine d'avoir touché juste, Cara n'eut plus qu'à jouer sa scène de manière à arriver à des aveux. Rouspineau se défendit. Il ne savait pas ce que tout cela voulait dire. Il était innocent comme l'enfant qui vient de naître. S'il avait demandé de l'argent à M. Aupois fils, c'était parce qu'il en avait besoin. Et à l'appui de cette dernière assertion, il voulut montrer des factures. Mais Cara tint bon, se renfermant étroitement dans son tout. Si bien qu'après plus d'une heure de discussion, Rouspineau dut reconnaître qu'il n'avait pas pu faire autrement que d'accepter le rôle qu'on lui avait imposé. Son cœur saignait toutes les fois qu'il demandait de l'argent à M. Haut-Poix-Fils, un si brave jeune homme. Mais il le fallait. Madame Haut-Poix d'Aguillon, qui était une maîtresse femme, ne voulant payer les billets qu'à cette condition. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite ?» demanda Cara. « Parce que le paiement des billets ne devait se faire que si nous gardions le secret, Tom et moi. Et j'ai encore deux billets qui ne sont pas payés. » Pour arracher cet aveu, Cara n'avait pas seulement employé l'adresse, elle avait eu recours aussi aux menaces, sans lesquelles Rouspineau n'eût jamais parlé. Sous le coup d'une dénonciation au parquet pour usure, qu'elle ne ferait pas directement, mais qu'elle ferait faire, et qui conduirait Rouspineau en police correctionnelle d'abord, et peut-être ensuite en prison pour 1 ou 2 ans, si les juges admettaient l'escroquerie, il avait bien fallu qu'il fît le récit qu'elle exigeait de lui, le couteau sur la gorge. Elle poursuivit son avantage. « Maintenant que vous voilà raisonnable, dit-elle, vous allez m'écrire tout ce que vous venez de me conter. »« Oh, cela jamais !»« Écoutez-moi donc, et ne dites pas de niaiseries. Si vous ne voulez pas me faire cette lettre, c'est parce que vous avez peur que Madame Haut-Poix d'Aguillon ne vous paye pas vos 2 derniers billets. »« Oh, c'est juste, et pour cela seulement, bien sûr. Songez donc, 20 000 francs. Nous ne gagnons pas notre argent comme vous, nous autres, pauvres diables. » « Je sais bien que 20 000 francs, c'est une somme, même pour tous ceux qui ne sont pas des pauvres diables. Mais il ne faut pas oublier que si vous aviez l'ennui de passer en police correctionnelle, le moins qui pourrait vous arriver, ce serait d'être condamné à restituer l'excédent de ce qui vous était dû légitimement, et de plus, à payer une amende s'élevant à la moitié de ce que vous avez prêté. Rappelez-vous, Sichard, le Danois, Adam et autres, que vous connaissez mieux que moi. » Et voyez si le total de tout cela n'excéderait pas les 20 000 francs pour lesquels vous criez si fort. Vous ne ferez pas cela? Je ne le ferai que si vous refusiez d'écrire la lettre que je vous demande, laquelle ne sera pas montrée à Madame Haut-Poix d'Aguillon. Je vous en donne ma parole. Au contraire, si vous l'écrivez, je vais prendre l'engagement de vous payer moi-même vos 2 billets, dans le cas où Madame Haut-Poix d'Aguillon les refuserait. Que ne disiez-vous cela tout de suite? S'écria Rouspineau. Dictez-moi ce que vous voulez que j'écrive. Dès lors que vous vous engagez à payer, si Madame Haut-Poix d'Aguillon ne paye pas, je sais bien que je n'ai pas à craindre que vous fassiez un mauvais usage de cet écrit. Cara dicta, et Rouspineau écrivit. Je soussignais, reconnais, premièrement que c'est par ordre de Madame Haut-Poix d'Aguillon que j'ai fait des démarches pour être payé par M. Léon Haut-Poix de ce qu'il me doit. Deuxièmement, que les 4 premiers billets souscrits par M. Léon Haut-Poix ont été payés à l'échéance par la maison Haut-Poix d'Aguillon et qu'ils n'ont été protestés que pour la forme. Rouspineau. Cela fait, Cara écrivit elle-même l'engagement de payer les 20 000 francs restant dus si les billets n'étaient pas acquittés par M. et Mme Haut-Poix d'Aguillon. Puis elle quitta Rouspineau, qui en fin de compte ne se plaignait pas trop de la conclusion de cette affaire. De vrai, elle aurait pu plus mal tourner. Elle avait bec et ongles, Madame Cara, et il valait mieux être de ses amis que de ses ennemis. En sortant de chez Rouspineau, Cara ne rentra point chez elle, mais elle se rendit rue du Helder, chez son ami et conseil, l'avocat Riol. Comme le jour où elle était venue demander à Riol ce que valait la maison Haut-Poix d'Aguillon, elle entra par la petite porte dans le cabinet de l'avocat. Et comme ce jour-là, encore, elle trouva Riol penché sur ses dossiers et travaillant. Mais au lieu d'aller l'embrasser dans le cou, comme elle l'avait fait alors, elle ferma la porte avec bruit, de façon à s'annoncer. Riol leva la tête pour voir qui venait le déranger. « En voilà une surprise. On ne te voit plus. Tu négliges tes amis. Et quand ils vont chez toi, tu n'y es jamais pour eux. On n'a jamais vu bourgeoise plus rangée. J'aime. » Il me semble que ce n'est pas la première fois, et quand cette indisposition te prenait, elle ne t'empêchait pas d'être convenable avec tes amis. Maintenant, c'est autre chose. Je m'en aperçois. Ce n'est pas pour toi que je parle, c'est pour moi. Tu t'imagines peut-être que tu aimes pour la première fois? Justement, au moins, c'est la première fois que j'aime ainsi. Il est vrai que chaque fois que j'ai aimé, je me suis dit, celui-là, c'est le bon, c'est le vrai. Ce n'est pas comme le dernier. Et tu as toujours trouvé au nouveau des mérites que l'ancien n'avait pas, ou plus justement n'avait plus. Enfin, je t'assure que cette fois, c'est la bonne. Tu ne connais pas Léon. C'est le meilleur garçon du monde. Bon enfant, simple, tendre, affectueux, n'ayant pas d'autres soucis, d'autres préoccupations, d'autres passions que d'aimer. Quand je pense qu'il y a des femmes assez bêtes pour prendre comme amant des gens qui ne pensent qu'aux idées ou qu'aux affaires qu'ils ont dans la cervelle, pour une femme intelligente, il n'y a qu'un amant possible. C'est un homme jeune, beau garçon, tendre, sensible, solide, qui n'a d'autre affaire en ce monde que d'aimer. Et voilà précisément Léon. Mes compliments. Mais alors, puisqu'il en est ainsi, me diras-tu ce qui me vaut... Ce n'est pas le plaisir qu'il faut dire maintenant. Me diras-tu ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Un conseil à te demander. Alors, il n'est pas complet, le jeune, le tendre, le sensible Léon. Heureusement, car ce qu'il aurait d'un côté, il le perdrait de l'autre. C'est aimable. Laisse donc, tu sais bien que tu n'as jamais été qu'une tête. Drôle, il est vrai, mais une simple tête. C'est à cette tête que je m'adresse aujourd'hui. Que penses-tu d'un mariage entre deux Français, contracté à l'étranger, sans le consentement des parents et sans publication? Ton mariage n'en est pas un. Ça n'est rien, ça n'existe pas aux yeux de la loi. De votre loi? Il n'y en a qu'une en France. C'est celle qui est contenue dans le code, au titre 5e du mariage. Es-tu assez avocat avec ton code? Tu sais bien pourtant qu'à côté de votre loi contenue dans votre code, au titre 5e, 6e ou 20e, il y en a une autre qui s'appelle la loi religieuse. Tu me dis qu'aux yeux de votre code, un mariage fait comme je viens de te l'expliquer ne vaut rien. Mais que vaut-il pour la loi religieuse? Pourquoi t'adresses-tu à moi pour une chose qui n'est pas de ma spécialité? Tu n'as donc pas dans le clergé du diocèse de Paris un conseil pour tes affaires religieuses, comme tu en as un au barreau de la cour de Paris pour tes affaires civiles? Tu sais que je n'ai jamais toléré la plaisanterie sur ce sujet. Assez donc, je te prie. Et si tu le veux bien, réponds plutôt à ma question, que je précise. Le mariage religieux de deux Français célébrés à l'étranger dans les conditions dont nous parlons, est-il nul comme le mariage civil? Je n'ai pas dans les affaires religieuses la même compétence que dans les affaires civiles. Je ne puis donc te répondre que des à peu près. Un mariage célébré religieusement, selon les lois de l'Église, est valable aux yeux de l'Église et n'est attaquable pour elle que si une des prescriptions qu'elle exige n'a pas été observée. Je te propose un exemple. Je me marie à l'étranger avec Léon, devant un prêtre catholique, en observant toutes les règles du mariage catholique. Et je reviens ensuite en France. Suis-je marié? Non, pas pour la loi. Mais, et pour l'Église? Oui, sans doute. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que je ne puis pas me marier à l'église une seconde fois et que mon mari ne peut pas se marier non plus. À la mairie, vous pouvez vous marier l'un et l'autre. À l'église, vous ne pouvez vous marier ni l'un ni l'autre avant que votre premier mariage soit dissous, soit par la mort naturelle de l'un de vous, soit par l'autorité ecclésiastique, au cas où les formalités exigées n'auraient pas été toutes observées. Ah, c'est bien ce que je pensais. Je te remercie. Il n'y a pas de quoi, ma pauvre fille, car un pareil mariage ne signifie rien. Tu raisonnes comme un simple avocat que tu es, et ce qui est pire, comme un incrédule. Mais tu oublies qu'il y a des familles, elles sont nombreuses, qui même sans pratiquer la dévotion, considèrent le mariage religieux comme un vrai mariage. Enfin, tu oublies encore qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui consentiraient à prendre un mari qui ne pourrait pas faire consacrer leur mariage par l'Église. Tu vois donc que ce mariage religieux signifie quelque chose au contraire, et même qu'il signifie beaucoup. En tout cas, ce que tu m'as dit me suffit, et je t'en remercie. Veux-tu me payer mes honoraires? C'est selon. Avec une réponse. Oh, alors volontiers. À quand ce mariage? La date n'est pas fixée, mais ce sera peut-être pour bientôt. Au revoir, cher ami, et encore une fois merci. Oh, Cara, devais-tu finir ainsi? Lugete veneres cupidinesque? Cela veut dire de profondis. Chapitre 24. Lorsque Kara revint chez elle, elle trouva Léon qui l'attendait avec une impatience au moins égale à celle qu'elle avait eue elle-même la veille. « Enfin, te voilà. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait ?»« Voilà que tes paroles sont justement celles que je t'adressais hier. Tu vois comme l'on souffre lorsqu'on l'en attend. » Mais sois assuré que ce n'était point pour te faire connaître mes angoisses que je suis sortie ce matin. Tu as bien dormi, toi. Moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Malade ? Non, inquiète, tourmentée. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit à propos de ce voyage que ta mère te voudrait voir entreprendre. Pourquoi te tourmenter, puisque je t'ai dit que ce voyage ne se ferait pas ? C'est justement pour cela que je me tourmente. Ne m'as-tu pas dit toi-même que tu ne voulais pas que nous nous séparions ? Pas pour une heure, ai-je dit. Je m'en souviens. Mais cette parole a été le cri de l'égoïsme et de la passion. Je n'ai pensé qu'à moi, qu'à mon amour, qu'à mon bonheur. Je n'ai pensé ni à ton repos, ni à la santé de ta mère. Et cependant, ce sont choses qu'il ne faut pas oublier. Toute la nuit, j'ai donc réfléchi à ce cri qui m'avait échappé, et j'ai fait mon examen de conscience, me disant que quand, de ton côté, toi aussi tu réfléchirais, tu me condamnerais pour cette pensée égoïste. Te condamner serait me condamner moi-même. Toi, tu as le droit de disposer de ton repos, et jusqu'à un certain point de celui de ta mère. Moi, je ne l'ai pas. J'ai senti cela. Mais je n'ai pas voulu m'en tenir aux réflexions d'une nuit de fièvre. Ce matin, j'ai voulu demander un conseil sûr. Et à qui demandes-tu conseil quand il s'agit de nous ? À quelqu'un de qui tu ne peux pas être jaloux, car si bon que tu sois, il est encore meilleur que toi. Si sensé, si ferme que tu sois, il est encore plus sensé et plus ferme que toi. Ô bon Dieu ! Je viens de la Madeleine. J'étais bien longtemps, cela est possible, mais j'ai prié jusqu'à ce que la lumière se fasse dans mon esprit troublé et me montre la route à suivre. « Et de quelle route parles-tu ? » demanda Léon, qui était fort peu religieux de nature et d'éducation. « De celle que nous devons prendre au sujet de la proposition de ta mère. Il faut que tu acceptes cette proposition. »« Tu veux que je parte en voyage ? » s'écria-t-il. « Toi ? C'est toi qui me donnes un pareil conseil ? » ?»« Oh, le mauvais regard que tu m'as jeté ! Ne détourne pas les yeux, j'ai lu ce qu'il disait. » C'est une pensée de jalousie qui t'a arraché ce cri. De surprise, de doute, en ne comprenant pas comment tu peux me conseiller de partir. Ô l'ingrat, je pense à lui, je ne pense qu'à lui et à sa mère, je me sacrifie, et il s'imagine que je lui conseille de s'en aller en voyage pour être libre pendant qu'il sera parti. Mais si je voulais ma liberté, qui m'empêcherait de la prendre ? Sommes-nous mariés ? Non, n'est-ce pas ? Je ne suis que ta maîtresse. Et je puis te quitter demain, tout de suite. Si je ne le fais pas, c'est parce que je t'aime, n'est-ce pas ? Et rien que pour cela. C'est parce que je t'aime que j'ai accepté cette existence mesquine et bourgeoise, et non pour autre chose, non pour les plaisirs et les avantages qu'elle me procure. Voilà en quoi le conseil judiciaire que tes parents t'ont donné est bon. C'est qu'en te liant les mains et en te laissant sans le sou, ils te prouvent à chaque instant que je t'aime pour toi, rien que pour toi. Eh bien, quand les choses sont ainsi, je trouve mauvais que tu doutes de mon amour, et je trouve plus mauvais encore que tu en doutes au moment même où cet amour s'affirme par le plus grand sacrifice qu'il puisse te faire. Mais je ne veux ni quereller ni me fâcher. Tu as eu une mauvaise pensée, oublions-la et revenons à ce que je te disais. Ta mère est malade et tu dois tout faire pour lui rendre la santé. Pour cela, le meilleur moyen, c'est d'assurer son repos. Qu'elle te sache en Allemagne, en Angleterre, en Amérique, en Asie, tandis que je serai à Paris, et tout de suite elle se rétablira. Voilà pour elle, à qui nous devons tout d'abord penser. Si plus tard tu peux lui apprendre que je t'ai moi-même conseillé ce voyage, elle m'en saura peut-être gré. Maintenant, occupons-nous de toi. Si tu n'es pas malade, tu es en tout cas horriblement tourmenté et humilié par ces réclamations honteuses de Rouspineau et de Brasier. À ton retour, tu serais débarrassé d'eux, et cela aussi est un point important à considérer. Ce n'est pas le seul. Au lieu de ménager ton argent, tu as été vite. Espérant faire des bénéfices qui te permettraient de payer Brasier ou Spino, tu as parié aux courses et tu as perdu. De plus, toujours pour le même motif, tu as confié d'assez fortes sommes à ton ami Gaussin, qui, avec ses combinaisons, devait ruiner la banque de Monte-Carlo, qui s'est tout simplement ruiné lui-même en te perdant ton argent. De sorte que tu es présentement dans une assez mauvaise situation financière. Si tu voyages, tes parents seront obligés de t'accorder des frais de route, et ils le seront sans doute assez largement pour que tu puisses économiser dessus quelques bonnes sommes qui, à ton retour, te sera utile. Voilà les pensées qui me sont venues à l'église, et c'est pourquoi je te dis d'accepter la proposition de ta mère. Pour elle, pour toi, pour nous. Maintenant, tu feras ce que tu voudras. Moi au moins, j'aurai la conscience tranquille et satisfaite, ce qui est quelque chose. Tout cela était si raisonnable, si sage, qu'il ne pouvait pas ne pas en être touché. Évidemment, son devoir de fils était de donner à sa mère malade la satisfaction qu'elle demandait. Évidemment, son intérêt à lui-même était de se débarrasser au plus vite de Brasier et de Rouspineau. Évidemment, en lui donnant ce conseil, Hortense agissait avec une délicate générosité. Cela était d'une femme de cœur. Il ne pouvait, véritablement, que remercier celle qui avait eu assez d'abnégation pour lui parler ce langage, ce qu'il fit. Ce fut après avoir déjeuné avec sa chère Hortense, plus chère que jamais, qu'il se rendit chez sa mère. Quand celle-ci apprit qu'il consentait à partir, elle pleura de joie. C'était la première fois qu'il la voyait pleurer, car Madame Aupois d'Aguillon n'était pas femme à s'abandonner facilement à ses émotions. « Je n'avais qu'une condition, mon voyage, » dit Léon en souriant doucement. « Si 15 jours après mon départ, tu ne m'écris pas que tu es guéri, complètement guéri, je reviens. Car tu comprends bien, n'est-ce pas, que ce voyage sera un pèlerinage pour obtenir ton rétablissement. Avant 8 jours, je serai guéri. » Madame Aupois d'Aguillon se demanda si elle ne devait pas rappeler son mari pour qu'il vît Léon avant le départ de celui-ci. Mais elle crut qu'il était plus sage d'éviter une rencontre dans laquelle pourraient s'échanger des reproches réciproques, et au lieu de lui écrire de revenir, elle le pria de prolonger son absence. Ça avait été une question longuement débattue de savoir où Léon voyagerait, et comme Madame Aupois d'Aguillon laissait, bien entendu, le choix du pays à son fils, Cara avait fait adopter l'Amérique. « Ne fais pas les choses à demi, » lui avait-elle dit. « Et pour que tes parents soient bien certains que nous ne nous verrons pas, va-t'en aux États-Unis. C'est d'ailleurs un voyage qui t'intéressera. Et puis comme la dépense sera grosse, les économies que tu feras seront grosses aussi. » Pendant les jours qui précédèrent son départ, Léon alla, chaque matin, passer 2 heures avec sa mère, et le reste de son temps il le donna à Hortense. Jamais elle n'avait été plus tendre pour lui. Jamais elle ne l'avait aimé plus passionnément. Il devait s'embarquer à Liverpool, et comme Biasson, par un bienheureux hasard, arrangé, il est vrai, avec Madame Aupois d'Aguillon, avait des affaires qu'il appelait à Manchester, il avait été convenu qu'il accompagnerait son jeune ami jusqu'à bord du paquebot. Comme cela, on aurait la certitude que Cara n'était pas du voyage, au moins pour sa première partie. Ce fut donc seulement jusqu'à la gare du Nord que Cara put conduire son amant, et ce fut dans la voiture qui les avait amenés qu'ils se séparèrent. Que de baisers, que d'étreintes, que de promesses, que de serments. Tu ne m'oublieras pas, tu ne me tromperas pas. Tu le jures? Jure encore. Cara était affolée. Léon était plus calme, mais cependant très ému, très attendri. Cependant, lorsque la portière de la voiture eut été refermée et lorsque Léon eut disparu, Cara se remit assez vite. En rentrant dans son appartement, elle était tout à fait calme. Elle trouva Louise en train d'entasser dans 2 grandes malles du linge et des robes. Les malles étaient bientôt pleines. « Tu vas les faire porter rue Legendre, » dit Cara. « Puis ce soir, tu iras les reprendre et tu iras les déposer à la gare de l'Ouest, bureau de la consigne. Prenons toutes nos précautions. » Et si la mère me fait surveiller, ce qui me paraît probable, elle en sera pour ses frais. Tu diras à la concierge que je suis malade et que je garde le lit. Léon devait s'embarquer le samedi à Liverpool. À midi, Madame Aupois d'Aguillon reçut une dépêche de Biasson. Liverpool, 11 heures. Et quitter Léon sur le Pacifique. Le vapeur prend la mer. Beau temps. Deux heures après, on remit à Madame Aupois d'Aguillon une lettre qu'un exprès venait d'apporter. La personne que nous avions mission de surveiller n'était point malade comme elle le prétendait. Elle n'est point chez elle, et nous avons tout lieu de croire qu'elle est sortie hier soir un peu avant minuit. Faut-il rechercher où elle a pu aller ? Avant de répondre, Madame Aupois d'Aguillon étudia l'indicateur des chemins de fer pour voir combien de temps au juste il fallait pour aller de Paris à Liverpool. Cet examen la rassura. Si Cara était partie le vendredi soir, un peu avant minuit, elle n'avait pas pu arriver à Liverpool avant le départ du Pacifique. Alors elle répondit un seul mot à cette lettre. « Cherchez ». Ce fut le lundi seulement qu'elle apprit le résultat de cette recherche. Le samedi matin, la personne qu'on avait mission de surveiller s'était embarquée au Havre sur le Labrador, en route pour New York.